Nombre chapitre 11. Après, il arriva que le peuple se plaignit de la fatigue, et l'Éternel l'ouït, et l'Éternel l'ayant ouït, sa colère s'embrasa, et le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux, et en consuma quelques-uns à l'extrémité du camp. Alors le peuple cria à Moïse, et Moïse pria l'Éternel, et le feu s'éteignit. Et on nomma ce lieu la Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Et le peuple ramassé, qui était parmi eux, fut épris de convoitise, et même les enfants d'Israël se mirent à pleurer, disant, « Qui nous fera manger de la chair ? Il nous souvient des poissons que nous mangions en Égypte, sans qu'il nous en coûtât rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, et des os. Et maintenant nos âmes sont asséchées, nos yeux ne voient rien que manne. Or la manne était comme le grain de coriandre, et sa couleur était comme la couleur du blé des lions. Le peuple se dispersait, et la ramassait, puis il la moulait au meule, ou la pilait dans un mortier, et la faisait cuire dans un chaudron, et en faisait des gâteaux, dont le goût était semblable à celui d'une liqueur d'huile fraîche. Et quand la rosée était descendue la nuit sur le camp, la manne descendait dessus. Moïse donc entendit le peuple pleurant dans leur famille, chacun à l'entrée de sa tente, et l'Éternel en fut extrêmement irrité, et Moïse en fut affligé. Et Moïse dit à l'Éternel, « Pourquoi as-tu affligé ton serviteur, et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce devant toi, que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple ? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple, ou l'ai-je engendré, pour me dire, porte-le dans ton sein, comme le nourricier porte un enfant qui tète, porte-le jusqu'au pays pour lequel tu as juré à ses pères ? D'où aurais-je de la chair pour en donner à tout ce peuple, car il pleure après moi en disant, donne-nous de la chair, afin que nous en mangions. Je ne puis, moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Que si tu agis ainsi à mon égard, je te prie, si j'ai trouvé grâce devant toi, de me faire mourir, afin que je ne voie point mon malheur. » Alors l'Éternel dit à Moïse, « Assemble-moi 70 hommes d'entre les anciens d'Israël, que tu connais être les anciens du peuple et ses officiers, et les amène au tabernacle d'assignation, et qu'ils se présentent là avec toi. Puis je descendrai, et je parlerai là avec toi, et je mettrai à part de l'Esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes point toi seul. Et tu diras au peuple, apprêtez-vous pour demain, et vous mangerez de la chair, parce que vous avez pleuré, l'Éternel l'entendant, et que vous avez dit, qui nous fera manger de la chair, car nous étions bien en Égypte. Ainsi l'Éternel vous donnera de la chair, et vous en mangerez. Vous n'en mangerez pas un jour, ni deux jours, ni cinq jours, ni dix jours, ni vingt jours, mais jusqu'à un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines, et que vous la rendiez par la bouche, parce que vous avez rejeté l'Éternel, qui est au milieu de vous, et que vous avez pleuré devant lui, en disant, « Pourquoi sommes-nous sortis d'Égypte ?» Et Moïse dit, « Il y a 600 000 hommes de pied en ce peuple, au milieu duquel je suis, et tu as dit, « Je leur donnerai de la chair, afin qu'ils en mangent un mois entier. » Leur tuera-t-on des brebis ou des bœufs, en sorte qu'il y en ait assez pour eux, ou leur assemblera-t-on tous les poissons de la mer, jusqu'à ce qu'il y en ait assez pour eux ? Et l'Éternel répondit à Moïse, « La main de l'Éternel est-elle raccourcie ? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera, ou non. » Moïse donc s'en alla, et récita au peuple les paroles de l'Éternel, et il assembla 70 hommes d'entre les anciens du peuple, et les fit tenir à l'entour du tabernacle. Alors l'Éternel descendit dans la nuée, et parla à Moïse, et ayant mis à part de l'Esprit qui était sur lui, il le mit sur ses 70 hommes anciens. Et il arriva qu'aussitôt que l'Esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Or il en était demeuré deux au camp, dont l'un s'appelait Elda, et l'autre, Méda, sur lesquels l'Esprit reposa, et ils étaient de ceux dont les noms avaient été écrits, mais ils n'étaient point allés au tabernacle, et ils prophétisaient dans le camp. Alors un garçon courut le rapporter à Moïse, en disant, « Elda et Méda prophétisent dans le camp. » Et Josué, fils de Nun, qui servait Moïse, l'un de ces jeunes gens, répondit, en disant, « Mon seigneur Moïse, empêche-les. » Et Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi ? » Plus à Dieu que tout le peuple de l'Éternel fut prophète, et que l'Éternel mit son esprit sur eux. Puis Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. Alors l'Éternel fit lever un vent, qui enleva des cailles de devers la mer, et les répandit sur le camp, environ le chemin d'une journée, de ça et de là, tout autour du camp, et il y en avait presque la hauteur de deux coudées sur la terre. Et le peuple se leva tout ce jour-là, et toute la nuit, et tout le jour suivant, et amassa des cailles, celui qui en avait amassé le moins, en avait 10 homers, et ils les étendirent soigneusement pour eux tout autour du camp. Mais la chair étant encore entre leurs dents, avant qu'elle fût mâchée, la colère de l'Éternel s'embrasa contre le peuple, et il frappa le peuple d'une très grande plaie. Et on nomma ce lieu-là Kibroutava, car on ensevelit là le peuple qui avait convoité. Et de Kibroutava, le peuple s'en alla en Atzeroth, et ils s'arrêtèrent en Atzeroth.